C'est Benny Bands, B-A-D-Y, ça va du B jusqu'au Y, c'est le B à bas, du gangster. Écoute mon abécédaire. A comme arme à feu, 6, 3, 5, 3, 5, 7. B comme B-A-T, B-M, 3, 5, 7. C comme C-C, T-H-C, X-T-C. D comme dealer, ou comme A-V-D-C. E comme emmerdeur, foie, enculé. F comme fils de pute, t'as voulu m'enculer. G comme G-A-V-H, comme H-I-P-H-O-P. I comme Interpol, index si tu te fais choper. J comme J-S-E, K comme K-S-M. L comme lèche-vitrine, avec une putaine. M comme un black mafia. N comme Nombo ne balance pas. O comme original gangsta. P comme parrain charismatique comme Al Papa. Q comme qui comme quoi monsieur le commissaire. R comme radar ou comme radar première. S comme suce-moi salope salope. T négro on est toujours au top. U comme trahi par l'urinoir. V comme négro, viens me voir au parloir. W comme Beto, à la White Widow. X comme classé Y, y'a quoi négro. Z, je signe et me classe comme Zorro. Sur ce la suite, au prochain numéro 1.